Bonjour à tous. Aujourd'hui, filet de limande façon marguerite, 4 personnes. 4 limandes levées en filet, 1 demi-litre de fumée de poisson, 1 demi-litre de moule bouchot, 100 g de crevettes roses décortiquées, 15 cl de crème entière, 1 quart de vin blanc, une échalote hachée, un jus de citron, sel et poivre. Pochez au fumet de poisson les filets de limande 30 secondes. Les égoutter et les tenir au chaud. Ouvrir les moules avec un peu de vin blanc et l'échalote hachée. Les décortiquer. Filtrer le jus. Faire réduire le vin blanc et l'échalote d'un quart. Mouiller avec la cuisson du poisson plus le jus des moules. Réduire d'un demi. Crémer. Rectifier l'assaisonnement plus jus de citron. Ajouter crevettes et moules dans la sauce. Dresser le poisson sur assiette chaude. Napper avec la sauce moules crevettes. Garniture, petits épinards au beurre, un petit vin conseillé, un gros plan pays nantais blanc à boire avec modération.